chose de mes mains. Arracher les herbes, les acides, les acerbes, et planter un jardin. Quelque chose de mes mains, et cacher la misère d'un pinceau de colère. Peindre la salle de bain, quelque chose de mes doigts, et ranger les bouquins. J'acquitter dans son coin des étagères en bois. Quelque chose de plombier, trouver les bons tuyaux, coule l'amour et l'eau, quand tout est raccordé. Une œuvre menuisée et cachée dans les coins, des secrets très précieux, codés et mesurés. Quelque chose de maçon, de quoi être un peu fier, au niveau à l'équerre, et construire ma maison. Sur le papier, sans attendre demain, quelque chose de moi, une trace sur les murs, du temps et de l'usure, d'une prison sans toit.